Voilà donc ces téléspectateurs qui nous replongent dans votre argumentaire tout à l'heure, l'Afrique face à ces défis. Telle activité, c'est la clé du débat africain. Donc, rassurez-vous, je connais. Je vous en prie, l'important de ça. Alors, je vous retourne la parole avec ces défis. L'avantage que je disais, Sidique, Kenya a commencé à parler de ça. C'est. Vous connaissez. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été gagnée par les Occidentaux. L'URSS s'est effondrée sur elle-même. Vous savez pourquoi? C'est le divorce qu'il y avait entre le militarisme soviétique et l'économie soviétique réelle. C'est ça qui a fait que l'Union soviétique s'effondre sur elle-même. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les Américains sont empêtrés dans le même malheur. Vous savez, l'Empire romain, c'était quoi? L'Empire romain a connu une expansion territoriale extraordinaire. Mais elle n'arrivait même plus à gérer même ses possessions. C'est-à-dire qu'un désordre, et à un moment donné, les barbares, comme ils appelaient, chacun s'est tellement détaché. Chacun s'est détaché. Parce que le keynésianisme militaire américain, qui est adossé sur le dollar, a un problème. Si vous avez construit une puissance sur une base unipolaire et qu'après la multipolarité s'impose à vous, vous êtes fini. Parce que votre puissance n'a pas été construite pour s'adapter à la multipolarité. Vous avez bâti votre modèle de puissance sur l'unipolarité. Donc à partir du moment où on bascule dans la multipolarité, le créditarisme militaire américain n'a plus les moyens économiques de sa survie. Puisqu'on déclasse le dollar, qui est la condition fondamentale de l'expansionnisme militaire américain. Il y a un risque terrible pour l'Occident, pour l'Europe. Parce que dès que si l'Afrique se libérant, c'est obligé, l'Afrique n'a pas le choix. Elle se libère ou elle disparaît. Donc elle va se libérer. Quand l'Europe n'a pas, quand l'Occident n'a pas la capacité d'extérioriser ses démons par les guerres, les conquêtes, le pillage économique, qu'est-ce qu'elle fait? Ces démons rentrent en interne. L'histoire montre qu'elle passe le temps à se détruire, à se faire des guerres, à se bouffer entre elles. Donc c'est l'espoir. La bonne nouvelle, c'est ça. Parce que l'Amérique n'a pas construit sa puissance pour gérer la multipolarité. Elle ne connaît pas ça. Ça va être très compliqué pour elle. Très compliqué. Et les Russes savent ça. Après, Poutine, qui a vécu la chute de l'URSS à un niveau très élevé, il était un colonel de l'armée. Il a vu comment, ce qu'il appelle dans sa théorie géopolitique, la plus grande catastrophe. Comme ça, il dit ça. Il a vu, il a tiré les leçons. En réalité, aujourd'hui, la guerre de Poutine, c'est plus une guerre économique qu'une guerre militaire. Hein? Avec le militarisme russe, il dissuade. Tu tentes, il te finit. C'est clair, tu ne vas pas oser. Mais c'est la guerre économique qu'il est en train de mener. Mm-hmm. Et en menant la guerre économique, il est en train de faire c'est le plus grand mal qu'on puisse faire aux Américains, c'est de ruiner les bases du dollar et de ruiner les bases, n'est-ce pas, du monétarisme qui permettait l'expansion militaire américaine. 850 bases, c'est même plus, Charlie. C'est même plus en dehors des États-Unis. Mais il faut l'entretenir, ça. Il faut l'économie qui porte ça. Vous savez ce qui va arriver un jour? Plus l'Amérique va s'affaiblir, les pays à la base là vont confisquer les bases là. Je vous dis qu'un temps va arriver, on dit que bon, à partir de lui, on confisque la base. Vous ne pensez plus à Washington. Non, ce qu'on fait là, c'est sérieux. Hein? On est pas en train de jouer. Les indicateurs pertinents, les tendances profondes de la géopolitique mondiale montrent que c'est ce qui va arriver aux États-Unis. Parce qu'elle n'a pas tiré la leçon de l'histoire des empires qui l'ont précédé. Elle n'a pas tiré la leçon. Il est trop tard pour qu'elle en tire les Les documents même qui ont fuité récemment démontrent qu'ils ont du mal à payer les frais parce que l'installation, les territoires de leur base se paient. Dans le cas de la Turquie, ils ont du mal aujourd'hui à véritablement payer. Donc ça démontre que... D'accord, ça démontre tout, Charlie. Merci donc beaucoup à vous, président Badakani. Merci également à vous et un téléspectateur qui nous regarde. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Qui nous regarde depuis le Burkina. Alors il y a celui-ci qui dit: je suis un Togolais vivant au Burkina. Je souhaiterais que le président Badakani crée une annexe de son parti au Burkina pour que nous sommes très nombreux à vouloir être des membres. Donc voilà, donc c'est un message que je vous envoie, que je suis en train de lire. Ils sont d'ailleurs très nombreux à faire ce genre de précision. Voilà, très chers panélistes, il nous reste pratiquement 2 minutes. Hein. Je pense qu'on nous a accordé 3 minutes de plus, donc on va faire 5 minutes pour partir de ce studio, parce qu'il y a une deuxième partie de l'émission, beaucoup plus une émission géopolitique qui est annoncée juste après nous. Donc on va prendre le temps, en 5 minutes s'il vous plaît, le temps de conclure cette émission. Alors on va commencer par vous Charlie, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Alors un monde qui se pointe à l'horizon. Alors qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez pratiquement le sentiment que des choses vont se passer en août prochain en Afrique du Sud et que cette monnaie unique et commune va vraiment sortir? Bien, personnellement je pense que vous savez la réalité aujourd'hui, c'est, et je crois que c'est le président Xi Jinping qui rappelait encore à Emmanuel Macron, c'est l'irréversibilité, si je me permets. C'est-à-dire que c'est un processus irréversible. Si tout je... à fait. Si je m'excuse avec le mot. Donc, il rappela à Macron que ce qui est en train de se faire actuellement, c'est un processus irréversible, c'est-à-dire que l'évolution du monde vers une certaine multipolarité. Mais l'enjeu ici n'est pas tellement ce qui est en train de se faire avec les BRICS, autant pour moi, parce que ce qui est en train de se faire avec les BRICS, ils ont les moyens, ils ont les capacités, ils ont l'intelligence de réaliser. C'est-à-dire que d'amener ce projet au firmament, derrière, c'est ce qui est en train d'être fait. Je crois que la nouvelle banque des BRICS est actée aujourd'hui avec l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui a été élue avec un capital assez. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens. Mais l'enjeu ici, c'est le potentiel Afrique. Pas l'Afrique en tant qu'entité, c'est-à-dire que le Cameroun, le Bénin, le Togo et tous ces pays-là. L'Afrique en tant que continent. Parce qu'aujourd'hui, et peut-être c'est ça le malheur, parce qu'on aurait dû mieux comprendre ça avec la thématique également qui avait été mise en débat. Lorsqu'on parlait, heureusement, on est arrivé à la fin du temps. Parlait, le débat est tellement intéressant. Lorsqu'on parlait des casques bleus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est forte pour rejoindre à ce que les BRICS. Parce que les BRICS sont en train de donner une orientation. L'Afrique a le potentiel en lui de pouvoir intégrer cette organisation et d'être leader même de cette organisation. Mais est-ce que nous avons mis sur pied les leviers éducatifs, les leviers scientifiques, les leviers technologiques, les leviers administratifs, les leviers institutionnels de nature à répondre aux défis géopolitiques qui est en train de s'annoncer avec les BRICS? Si on reconnaît aujourd'hui que vous avez une organisation comme la Banque mondiale qui, je crois, dans les débuts des années 2000, avait initié ce qu'ils ont appelé la carte à 1 milliard. Qui justement avait tracé la cartographie minière de l'Afrique, qui avait été financée à hauteur de 2,5 milliards de dollars, qui devait être fait sur 3 ans. Où on vous démontre qu'en réalité, toutes les zones en Afrique qui sont immensément riches sont les zones aujourd'hui qui subissent le terrorisme et l'insécurité. Et à l'intérieur de ces zones-là, on a mis les casques bleus qui servent de caution morale pour que les États jamais ne revendiquent leur possession sur ces richesses-là. Mais à quel moment donc l'Afrique doit pouvoir s'assumer et présenter ces richesses-là comme étant saines pour justement égaler ou alors pour répondre efficacement à cette réalité géopolitique qui nous est offerte par les BRICS? Donc, je crois qu'il y a un travail de fond qui doit être fait par les Africains de nature à véritablement permettre que, non seulement au niveau des échanges internationaux, que le Cameroun pour commercer ou pour vendre, que l'argent ne transite plus par un pays tiers comme la France, mais également pour que, à l'échelle internationale, qu'un monopole de personnes ne détermine pas les prix sur ce que nous avons comme richesse sur lesquelles on peut s'appuyer pour s'affirmer à l'échelle internationale, mais également travailler ce que le président soit appelé l'Andocolona, parce que tout également passe par là. Ce sont ces personnes-là qui déterminent le devenir de nos États, et malheureusement, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États doivent pouvoir intégrer la dimension des enjeux parmi tous les acteurs politiques qui justement veulent s'inviter à cette table, c'est-à-dire que à la conquête du pouvoir, pour que justement l'Afrique puisse s'affirmer au Conseil des Nations. Merci beaucoup à vous, Charlie Kenyé. Docteur Jean-René Douma, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir La multipolarisation géopolitique a entraîné une multipolarisation monétaire et financière irréversible, avec pour corollaire la perte de la puissance du dollar américain. Il faut retenir également que le dollar américain signifie le système de Bretton Woods, avec la Banque mondiale, le FMI et le système SWIFT pour la messagerie financière internationale. Il faut donc exploiter, et là je parle pour l'Afrique, il faut que l'Afrique exploite donc le système parallèle qui est mis en place par les BRICS, avec la nouvelle banque de développement, avec le fonds de réserve d'urgence qui est l'équivalent du fonds monétaire international, et le système alternatif des transferts internationaux, qui est en marche depuis plusieurs années. Mais il faut, tout en exploitant ce système-là, exploiter également la finance décentralisée, c'est-à-dire le système des monnaies digitales qui a pour leader le Bitcoin, parce que vous savez que quand on fait les transactions dans le système de paiement Bitcoin, il n'y a aucun État qui peut bloquer vos transactions, il n'y a aucun État qui peut, quel que soit ces humains, n'est-ce pas, interférer là-dedans, avec la possibilité, bien sûr, si vous êtes soupçonné de quelque chose, de pouvoir avoir les informations liées à ce que nous avons qualifié de pseudo-anonymat dont les gens parlent. Enfin, pour avoir sa propre marque, il faut que l'Afrique véritablement pense à sa monnaie. Mais penser à sa monnaie veut dire créer une banque centrale africaine, créer un fonds monétaire africain. Mais ça a déjà été pensé par nos pères. Le guide de Kadhafi a été assassiné, apparemment, parce que ce projet était prêt, il était acté. Je me demande ce que les chefs d'État africains attendent pour le mettre en pratique. On n'est plus au niveau de la réflexion. Tout à fait. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et entre-temps, les différents pays africains doivent renforcer leur sécurité pour ne pas être déstabilisés dans ce processus. Merci à vous, docteur Jean-René Douma. Docteur Jean Gouem, votre mot de conclusion à la fin de cette émission. Merci beaucoup, mon cher. Moi, je pense que le monde multipolaire auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est une bonne chose. Parce que l'hégémonie d'un seul peuple, d'une seule puissance, est dangereuse et catastrophique. On le voit. En revanche, dans ce monde multipolaire, quel est le devenir de l'Afrique? C'est pas du tout facile, parce que il faut que. Mais comment pour que le il faut que puisse se transformer en réalité? La problématique est là. Je pense que le problème est d'abord en interne chez nous les Africains, parce que nous sommes d'abord responsables de notre devenir, et que par le passé nous avons connu, j'utilise un mot, de trahison interne. Certains partent dormir là-bas en Europe et vivent dans les palais européens, oublient qu'ils sont d'abord africains. En réalité, comment faire? Nous avons des politiques qui sont en déphasage total avec les peuples. Et comment y arriver? Nous avons des politiques qui sont en phase avec l'Occident, donc l'impérialisme postcolonial. Comment y arriver dans cette fenêtre-là qui est extrêmement étroite? Je pense, il faut continuer tout simplement à jouer sur la société civile, nous le voyons, au Mali, au Burkina Faso et partout ailleurs. Donc ça, plus que jamais, la société civile doit aujourd'hui rendre performant sa connaissance de l'ennemi extérieur, c'est-à-dire sa connaissance de la culture extérieure pour mieux la combattre. Deux, il ne faut pas rêver, moi je ne rêve pas que l'Afrique dans son ensemble soit une Afrique unie. Il y a une partie de l'Afrique qui regarde l'autre côté de la Méditerranée. C'est l'Afrique blanche. Elle regarde l'autre côté. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le Maroc, la Tunisie, etc. Le développement, c'est l'autre côté. Il suffit de traverser la Méditerranée. C'est l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, etc., etc. Je dis l'Afrique noire. Et quand je dis l'Afrique subsaharienne, voilà. Et quand je dis l'Afrique subsaharienne, il ne faut même pas aller chercher des monstres et des mammouths. C'est-à-dire, en l'état actuel, il est difficile de penser réunir dans une institution unique, concrète, réaliste, travaillant pour les Africains, tous les pays d'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Serait-il possible que ceux qui sont nos chefs d'État, tout en gardant leurs prérogatives politiques, leur, entre guillemets, légitimité politique, eh bien, travaillent avec 2, 3, 4 pays en Afrique centrale, on est combien ? 7, je pense. 2, 3, 4 pays qui puissent travailler ensemble sur des projets. En clair, je reviens, j'ai déjà dit ça ici. Regardez très bien. Est-ce que le Cameroun tout seul peut, aujourd'hui tout seul, peut créer une industrie aéronautique, disons même automobile? Nos moyens financiers, nos moyens pour transformer la transformation des matières premières pour arriver à produire un ensemble, un système automobile complet, sont très limités. Mais si par exemple, on disait que tiens, nous, avec le Gabon, avec la Côte d'Ivoire, pardon, la Guinée équatoriale, on s'assemble. Du côté de la Guinée, on produit la pneumatique. Du côté du Cameroun, l'électronique. Du côté de tel autre pays, je dirais l'informatique. Du côté de l'autre pays, la mécanique, donc les moteurs, la motorisation. Et on assemble où? Là, en Djoumbi. On fait l'assemblage là, en Djoumbi. Un peu comme l'a fait Airbus. Oh, voilà le parfait modèle. Très bien. Merci beaucoup. Tout est dit. Ça nous permettra d'aller de l'avant. Et un jour d'arriver à la problématique de la monnaie unique et de l'industrie unique et du militaire unique. Qui puisse profiter à l'Afrique. Merci beaucoup, docteur. Président Bandakani, votre mot de conclusion. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'optimisme. La machine est lancée. Ce ne sont pas les obstacles structurels comme l'Union africaine, le consort qui vont bloquer le processus. Vous savez, souvent, les conservatismes les plus abjects ont pour point faible le fait de croire qu'ils maîtrisent l'histoire. L'histoire est un processus accélératif, objectif, qui échappe aux puissances établies, qui échappe à tous ceux qui pensent que l'histoire se limite à eux. Donc c'est un message d'espoir. Il y a 10 ans, Malik Sidik, il y a 10, 11 ans ici, c'est sur ce plateau qu'on a lancé le monde multipolaire. Il est là. Il y a 11 ans, 12 ans, c'est sur ce plateau. Le débat par l'Africain est le débat qui a annoncé avant tout le monde multipolaire. Ah, nous avons prophétisé la chute de l'Occident, l'avènement des multipolaires sur ce plateau. Je crois à la puissance de la parole. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.